Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Dimanche Musette, une émission pour les amoureux du musette, préparée et proposée par Guido, votre serviteur. Le dimanche matin, de 9h à 11h, et de 10h à 11h, c'est la variété française, avec le retour dans le passé, mais aussi la variété d'aujourd'hui, et peut-être celle de demain. La rediffusion de cette émission, eh bien c'est le mardi de 10h à 12h. Vous aimez le musette, la variété française? Ne changez rien, vous êtes au bon endroit. L'indicatif de cette émission, au bal de mes rêves, Julien Brulac. FM, la radio la plus proche de chez vous, 91 102.5. Attention, attention, ça va démarrer. Et non seulement ça va démarrer, mais ça va même foncer. Le musette, c'est ici. Avant de commencer cette émission, eh bien, je voudrais vous dire quelques mots d'un monsieur qui est parti il y a maintenant 2 ans. Il y a dans quelques jours, cela fera 2 ans que Jeannot Christina, le yodeleur savoyard, nous a quittés pour aller rejoindre le pays des musiciens, là-haut parmi les étoiles. Et j'ai voulu bien tout simplement lui rendre un petit hommage à Jeannot, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à une fête de la musique à Seyssel, il y a déjà quelques années de cela. Je me suis dit que ce Savoyard fort de ses 77 ans et qui malheureusement est parti un peu trop vite a laissé une grande empreinte, et c'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, cette émission lui est consacrée entièrement, et il n'y aura que du Jean Christina au programme de ce dimanche. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour commencer cette émission. On va commencer tout de suite avec Alpes Echo, toujours bien évidemment par Jeannot Christina, et puis Balade aux saisies. Oh, passer par les saisies, vous y serez bien accueillis. Ce beau domaine ensoleillé sera là pour vous enchanter. Surtout l'hiver ou bien l'été, en promenade, en randonnée, les skis au pied ou en raquette, vous finirez par une raclette. L'ami Marcel à la légette est toujours prêt pour faire la fête. Les soirs d'hiver autour du feu, il n'y a rien de plus joyeux que les amis tous réunis se réchauffent d'une journée de ski. Et sans penser au lendemain, on est vraiment entre copains. C'est la station des grands champions qui ont fait connaître son nom. Au beau milieu du Beaufortin, on connaît mieux le monde alpin. Redescendant vers la vallée, on peut maintenant vous assurer que dans ce coin de paradis, nous reviendrons tous en saisie. Il sait aussi parler des compagnons savoyards, Jeannot. Les fleurs du Tyrol, c'est toujours un moment de privilège quand on l'écoute. L'on entend ces jolis oiseaux qui vous sifflent des airs nouveaux. Ils sifflent du matin au soir par tes compagnons savoyards. Les plus beaux refrains savoyards, les plus beaux refrains savoyards. lisant la belle lison. Les chats de soie sous les rosiers, ils échangeaient de doux baisers. Maillot patron fut si jaloux qu'il en conçut le projet fou. Prétoire, le fier compagnon savoyard, le fier compagnon savoyard. Le fier comparait au prétoire, le fier compagnon savoyard, le sottise que tu as faite là. Tu as fait mettre en prison le meilleur de tes compagnons. Dans ta boutique, tu en auras des apprentis tant que tu en veux. S'envahit les chemins. Près d'un humble village entouré de sapins se sont installés des musiciens. Accordéons des chansons ou cascader de ballon en ballon sous les lampions. Tous les garçons à la Marika chantent ce refrain-là. Délaissant la vallée, Pierre le petit berger, pour un jour a quitté son troupeau. Il est venu ce soir pour irer s'amuser et le voir les filles du hameau. En le voyant, c'est bien valsé. Fleur du Tyrol dans ses bras va danser, sans se douter quel berger, comment voleur lui prendra son petit cœur. Fleur du Tyrol, fleur de printemps, tu es frivole comme un papillon dans les champs. Fleur du Tyrol, tout en tournant, les gars s'affolent, mets-toi du riz de leur servant. Tu perds la tête comme ça simplement sur trois temps. Flamme du Tyrol, s'habillant ton tour. Toi si coquette, tu viens de connaître l'amour. À toi de le garder pour toujours. C'était, comme je vous l'ai dit, un solide gaillard. Il est parti le 27 juillet 2021 à l'âge de 77 ans. Mais son répertoire est assez riche et nous allons pouvoir en profiter dans cette émission. Yodel coucou par Jeannot et Yodel là-haut, toujours par Jeannot. Tranquille, j'aime écouter le chant de coucou. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Oh,

cache derrière des melons et ma vie taillotée cette chanson. Elle va les flanquer de tes alpages dorés. Tu déploies mille merveilles au chant de la grive musicienne. Chante les revenus en duo avec les par la Corrèze, prends le chemin du bonheur, tu longeras les bruyères, tu sentiras en ton cœur que la nature y est belle, car elle a donné le jour à une étoile célèbre, l'étoile des troubadours, dans un petit coin de bruyère. Une étoile est née pour toujours, c'est l'étoile des grenadiers, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Une étoile est née pour toujours, c'est l'étoile des grenadiers, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Combien de garçons, de filles se sont aimés sous ses yeux, chantant l'étoile qui brille, quel beau serment d'amoureux. Et ces bruyères corréziennes en ont versé des amants, chansons nouvelles et anciennes, reflet d'un vrai firmament. Dans un petit coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Une étoile dans la bruyère. c'est l'étoile des troubadours. La Bessonnaise. La Bessonnaise et la cascade, encore deux chansons, deux musiques qu'il interprétait vraiment d'une magnifique façon. Vois-tu, à Besson, c'est la vie, viens donc que ma jolie, on s'aimera tous les deux. Au bord de la rue chantonne, je serai ton homme et nous serons heureux. Viens donc, Lily, là dans le nid, brune fauvette passons, sous la lune rythmerant ta chanson. Je ne t'oublierai pas, mais ça n'est ce joli, souviens-toi des folies que nous faisions là-bas. Donne-toi dans un rêve, t'aimer je te le jure, mais si tu n'es point sûr, n'attends pas mon retour. Vois-tu ma petite Lily, là-haut dans le maquis, il me faut exiler. Pense souvent à ton homme pour qu'il ressonne du devoir sacré. Oui, ma Lily, là-haut maquis, mon cœur restera près du tien, ce sera là mon plus grand soutien. Je ne t'oublierai pas dans ma nouvelle vie, mais peur que je t'oublie. Mon cœur est tout à toi, refoule ton émoi, ne crains pas pour ma vie, car bientôt ma jolie, je reviendrai vers toi. Vois-tu, maintenant c'est fini, d'une balle ennemie, je viens d'être frappé. Sous le brillant astre d'or, je voudrais bien encore pouvoir te chanter. Oh, toi, Lily, toi, ma chérie, la douce chanson d'adieu que parfois nous chantions tous les deux. Je ne t'oublierai pas, mais ça n'est ce joli. Souviens-toi des folies là-bas, dans ma vie qui s'achève, tu es passé si brève. Chantons la vie tournelle, n'attends plus mon retour. Tu es passé si brève, n'attends plus mon retour. Quand elle saute des rochers, elle chante puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Au cours de son escapade, elle emporte mon cœur brisé, car c'est la poupée de la cascade qu'un jour notre amour est. Hey. cœur brisé, car c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Elle en s'est aimé deux ou trois saisons, près de ma chute qu'il faisait bon. Et sur un coup de tête, dans une discussion, on s'est séparé pour de bon. Quelle est belle la cascade quand elle saute des rochers, elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. En cours de son escapade, elle emporte mon cœur brisé, car c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Et depuis ce jour, le corps déchiré, je reviens où l'on s'est aimé. Et je crois revoir au pied des rochers le visage de ma bien-aimée. Quelle est belle la cascade quand elle saute les rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Son escapade, elle emporte mon cœur brisé, car c'est la vallée de la cascade qu'un jour notre amour est né. Car c'est la vallée de la cascade qu'un jour notre amour est né. La chanson de la Sierra et la fille de la forêt, c'est tout un programme. Écoutez la chanson de la Sierra que le gaucho fredonne à sa mère. Ah, toi me charme et mon sorcelle. Oh, tant qu'au firmament le soleil luira, toujours mon cœur te sera fidèle. Oh, en écoutant doucement si jolie la brune enfant rêve au paradis. Da-da. La chanson de la Sierra. Lorsqu'avec moi je pose mes doigts doucement sur ma guitare, mon cœur bat très fort, il me semble encore que ma main frôle ton corps. Écoutez la chanson de la Sierra que le gaucho fredonne à sa mère. Le soleil luira toujours, mon cœur te sera fidèle. Ah, en écoutant de ces mots si jolis, la brune enfant de nos paradis. Ra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Aux femmes toujours élèves les rangs. Tes yeux sont plus clairs que l'eau de la mer, et ta lèvre est une rose. Quand j'entends ta voix, c'est plus fort que moi, j'ai comme un frisson d'émoi. Écoutez la chanson de la Sierra que le gaucho fredonne à sa belle. Ah, oh Miguelina, ouvre-moi tes bras tout en toi, me charme. Sorcelle, oh, quand pour firmament le soleil luira, toujours mon cœur te sera fidèle. Oh, en écoutant de ces mots si jolis, la brume en rêve au paradis. La la la la la la la la la la la la. Aux femmes toujours elle opéra la chanson de la science. La chanson de la science. La neige est fleurie. Eh oui, la neige peut être fleurie, surtout quand Jeannot Christina nous interprète cette chanson. Et c'est une chanson italienne, une vieille chanson italienne qu'il a interprétée également, la Polenta Così. prairie, sous un manteau d'argent. Viens danser, mamie, au balai des quatre vents. La neige est fleurie, l'amour nous attend. J'irai cueillir les delves là-haut pour l'offrir à ton bonheur. En l'épinglant après ton manteau, j'y accrocherai mon cœur. La neige est fleurie, voici le moment où l'on se marie, fidèle à nos serments. Viens danser, mamie, au bal des quatre vents. La neige est fleurie, clair printemps, dans la prairie, sous un manteau d'argent. Viens danser, mamie, au bal des quatre vents. La neige est fleurie, l'amour nous attend. Où l'on se marie, fidèle à nos serments. Viens danser, mamie, au bal des quatre vents. La neige est fleurie, l'amour nous attend. La bella polenta si pianta così, si pianta così, si pianta così. La bella polenta così. Quando si cresce la bella polenta si cresce così, si cresce così, si cresce così. La bella polenta, la bella polenta si fiore così, si fiore così, si fiore così. Oh, oh, la bella polenta così. Quando si taglia la bella polenta si taglia così, si taglia così, si taglia così. Oh, oh, la bella polenta così. Quando si muglia la bella polenta si muglia così, si muglia così, si muglia così. La bella polenta si torna così, si torna così, si torna così. Oh, oh, la bella polenta così. Quando si mangia la bella polenta si mangia così, si mangia così, si mangia così. Oh, oh, la bella polenta così. Quando si tira la bella polenta, la bella polenta si tira così, si gira così, si gira così. Oh, oh, la bella polenta così. Le Yodeler Savoyard et le mal du pays. On continue cette émission pour Jean-Christina, à qui nous la dédions cette émission. Ce voyage, sachant qu'il y restera longtemps. Et dans sa cabane, avec son bon chien, il s'installera, se sourira très bien. Il vivra tout seul avec son troupeau pendant son séjour tout là-haut. Avec les bergers des vallons, ils pourront chanter et se répondre. Alors écho de la montagne. Ça met le baume au cœur, on est bien plus gai. Qu'importe le titre de cette chanson, pourvu qu'on chante tout est bon. Et l'écho fera du tapage dans toute la vallée, tout le monde entendra les belles mélodies de l'alpage que chanteront tous les bergers. Thank you. l'été. L'onde qui la partage daigne s'y préfleurir. Là se trouve mon village, là se trouve mon pays. Voilà, ce dimanche musette était donc consacré à Jean Christina. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette émission avec la chanson française. Et on commence tout de suite avec Art Sullivan, Adieu, sois heureuse. Et c'est Jérôme, c'est moi. Toi qui ne m'aimais pas, toi celui qui t'emmène aujourd'hui. Adieu, sois heureux. Adieu et bonne chance avec celui. Ce sont les années 70, c'est encore C. Jérôme avec Himalaya, c'est en 1972. Et puis Christian Delagrange également, sans toi je suis seul. notre destin. Je ne comprends pas pourquoi. Car je te fais du mal, mais sans jamais vouloir t'en faire. Alors ne pleure pas, pardonne-moi, ce sera la dernière. Pas nous passer l'un de l'autre. Mais l'amour et la vie se font la guerre bien souvent. Je reconnais du fond du cœur que tout est de ma faute. Je regrette, crois-moi, regarde-moi, faisons la paix encore une fois. Sans toi, je suis seul. Sans toi. Quelques minutes encore avec Christian Delagrange, avec Rosetta, et encore lui, tout de suite après, avec l'hymne à l'amour. Ça, c'est une reprise qu'il a fait également, Christian. Depuis que je suis amoureux de toi, je voudrais le crier sur les toits, oui Rosetta, moi qui ne croyais pas à l'amour. Je deviens pour toi le troubadour. Je m'ennuyais de la vie avant toi Rosetta, moi qui n'étais presque rien sans toi, oui Rosetta, je me sens bien plus heureux qu'un roi. Quand tu veux bien te serrer contre moi, te blottir dans mes bras. Qui n'aimait pas la vie avant toi, Rosetta. Je la bénis de t'avoir fait naître un jour pour moi. J'ai l'envie de t'avoir aimé avant moi, mais grâce à cette fée, tu as pu exister. Christophe, plein les yeux. Claude François, je viens dîner ce soir, alors s'il s'invite, pourquoi pas ne pas le recevoir. Et Daniel Gérard, Marie-Lou. Ça faisait si longtemps que je n'entendais plus ta voix. Ça faisait si longtemps, dis, comment ça va? J'ai pensé à toi bien souvent, mais je n'osais t'appeler. Je croyais que tu m'en voulais, que tu m'avais oublié. Je viens dîner ce soir, j'arrive à ton moi. Je viens dîner ce soir, tout comme autrefois. Je te vois déjà dans l'entrée, avec le sourire que j'aimais, et j'aurais trop de mal à ne pas t'embrasser. changer, crois-moi, je serai la leur. J'aurai tant de choses à te dire qu'avant même le temps d'un sourire, je serai devant la porte de ma maison. Ça faisait si longtemps que je ne me dépêchais plus. J'ai quitté le bureau, me voilà dans les rues. Je me suis encore mal garé pour t'acheter des fleurs. Les roses rouges que tu aimais, tu vois, je n'ai pas oublié. Je viens dîner ce soir, j'arrive à ton moi. Je viens dîner ce soir, comme autrefois, je te vois déjà dans l'entrée, avec le sourire que j'aimais, et j'en ai trop de mal à ne pas t'embrasser. Je viens dîner ce soir, au plus tard à 8 heures. J'ai bien changé, crois-moi, et je serai la leur. J'aurai tant de choses à te dire, qu'avant même le temps d'un, je serai devant la porte de la maison. Je viens dîner ce soir, j'arrive à temps moi. Je viens dîner ce soir, tout comme autrefois. Je te vois déjà dans l'entrée, avec le sourire que j'aimais, et j'aurai trop de mal à ne pas t'embrasser. Je viens dîner ce soir, au plus tard à 8 heures. J'ai bien changé, crois-moi, et je serai là. Marie-Hélène, Marie-Lou, y a tout tant d'amour sur les roses de tes joues, qu'au bout du cœur on en garde les épines. Oh Marie-Lou, Marie-Hélène, Marie-Lou, oh Marie-Lou, Marie-Hélène, Marie-Lou, coupée d'ivoire et cheveux d'acajou, tu mets ton cœur derrière une vitrine. Oh Marie-Lou, Marie-Hélène, Marie-Lou, oh Marie-Lou, Marie-Hélène, Marie-Lou, de 16 ans, il y a les fruits les plus doux, et les pépins comme dans les mandarines. Oh Marie-Lou, Marie-Hélène, Marie-Lou, Marie-Lou. Des sourires dans de l'air, je ne sais pas te sauver. Des amours dans de l'eau, un amour de passion, ne sont pas éternels. J'ai un cœur, Marie-Lou, Marie-Lou, avec des yeux de braise, je ne sais pas te sauver. Et ton cœur de velours, et je pourrai t'aimer. Tu t'enflammeras un jour, je ne saurai jamais. Pour un amour de passage, un vagabond d'amour. Oh Marie-Lou, Marie-Hélène, Marie-Lou, y a tout tant d'amour sur les roses de tes joues, qu'au bout du cœur on en garde les épines. Oh Marie-Lou, Marie-Hélène, Marie-Lou, oh Marie-Lou, Marie-Hélène, Marie-Lou, tu sais jouer tes appâts, tes atouts, comme dans les magazines. Oh Marie-Lou, Marie-Hélène, Marie-Lou, Marie-Lou. Des sourires dans de l'air, je ne sais pas te sauver. Des amours dans de l'eau, un amour de passion, ne sont pas éternels. Marie-Lou, Marie-Lou, avec tes yeux de braise, je ne sais pas te sauver. Et ton cœur de velours, t'enflammeras un jour, je ne saurai jamais. Pour un amour de passage, un vagabond d'amour. Oh Marie-Lou, Marie-Hélène, Marie-Lou, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la. Oh Marie-Lou, Marie-Hélène, Marie-Lou, y a tant d'amour sur les roses de tes joues, qu'au bout du cœur on en garde les épines. Oh Marie-Lou, Marie-Hélène, Marie-Lou, oh Marie-Lou, Marie-Hélène, Marie-Lou, dans tes 16 ans, y a les fruits les plus doux et les pépins Daniel Guichard. Daniel Guichard, je t'aime, tu vois. Je ne sais pas t'offrir des fleurs, je ne sais pas parler d'amour, c'est que peut-être j'ai dans le cœur plus de tendresse que de discours. Souvent, tu sais, j'ai très envie de te serrer entre mes bras. Pourtant j'hésite et je me dis que tu vas te moquer de moi. Je t'aime, tu vois, mais je ne le dis pas. Je n'aime que toi, mais tu ne le sais pas. Je t'aime, tu vois, plus fort de jour en jour. Je n'aime que toi, comme on aime d'amour. Je ne sais pas te consoler quand je vois que ça ne va pas, et je m'en veux de m'énerver d'être à ce point si maladroit. Le soir venu, quand tu t'endors, quand je te sais trop fatigué, bien que je rêve de ton corps, je n'ose pas le réveiller. Je t'aime, tu vois, mais je ne le dis pas. Je n'aime que toi, mais tu ne le sais pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Gérard Palapra. C'était en 1971. Fais-moi un signe. Ah, c'était un sacré barbu celui-là. Et Jean Gabin. Ah, Jean Gabin. Jean Gabin, lui, c'était pas les années 70. Je ne sais pas quelle année c'était en tout cas. Mais il nous interprète maintenant. Je sais. Je suis devant un mur blanc, mais je sais que tu es présent. Alors fais-moi un signe, apparais, je t'attends. Je ne te demande rien, rien qu'un seul geste de la main. Alors fais-moi un signe, montre-moi le chemin. Dis-moi seulement, lève-toi, et j'irai où tu me diras, les pieds nus dans la neige. Fais-moi un signe, fais-moi un signe, fais-moi un signe. Devant ce mur blanc de chaux, de tes yeux azur indigo, allons, fais-moi un signe, fais couler un ruisseau. Écris ton nom noir sur blanc de ce bout de charbon brûlant. Alors fais-moi un signe, je suis prêt maintenant. Ça restera entre nous, mais je n'aurai plus jamais froid, les pieds nus dans la neige. Fais-moi un signe, fais-moi un signe. fais-moi un signe, fais-moi un signe, fais-moi un signe, que tu fais-moi un signe. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Quand j'étais gosse haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça je le sais. Comme j'ai toujours envie d'aimer, toujours envie de toi. J'arrête, Mark Hamilton, et encore Mark Hamilton tout de suite après avec Viens. J'ai toujours envie de toi, oh toi que j'aime. sens ton corps sur mon corps. J'ai envie de te parler d'amour. Comme j'ai toujours envie de toi, je te cherche. Se lève et je n'ai plus rien à te montrer. Elle s'appelle Michel Thor et c'est l'avant-dernière chanson. La toute dernière chanson, nous allons la consacrer à quelqu'un. Je ne suis pas Marilyn, je n'aime pas la nuit, et dans les magazines, je ne lis pas ma vie. Je suis une provinciale, je n'ai pas du pas de cœur, j'ai une vie normale, c'est presque original. Une petite française née en Provence, quand elle avait 15 ans, vint à Paris, épousa la chanson, ne changea pas son nom. Loin de Paris et sans avoir de rôle, il n'y a pas mieux, je crois, quand je vois quelques gosses qui jouent autour de moi. Une petite Française née en Provence. Voilà, on ne pouvait pas terminer cette partie de l'émission, cette émission tout simplement, sans dire un petit au revoir à Claude Barzotti qui nous a quittés il y a quelques jours. Merci de votre fidélité, à très bientôt sur le 91-102.5 de Storgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Je vous aime, je vous embrasse. Bye bye. Reine des cieux, vers toi s'élève ma prière. Entends la voix de ton enfant. Confiant, j'implore ton secours. Donne-moi la paix. Mon cœur meurtri par la misère n'a plus d'espoir qu'en ton amour. Pitié, pitié, ô bonne mère, conduis. pas vers ton Jésus. Ave Maria. Maria, gracia plena, vers toi s'élève ma prière. Confiant, j'implore ton secours. Donne-moi la paix.